La dramatique affaire des poisons par le docteur Cabanès. Comme la foudre dans un ciel serein éclate, surgit brusquement, jetant sur la splendeur du plus glorieux des règnes un sinistre reflet, ce drame aux 100 actes divers, connu dans l'histoire sous le nom d'affaire des poisons. Durant 4 longues années, on vit des nobles de vieille souche, des gens de robe, des bourgeois, des êtres de conditions plus humbles, des laquais, des paysans, entraînés comme par une sorte de fièvre criminelle, trempés dans les machinations les plus odieuses, se compromettre dans les aventures les plus louches. Ce fut une véritable épidémie d'empoisonnement, qui gagna de proche en proche, provoquant un scandale sans précédent. Les femmes se retrouvent en majorité parmi les coupables, plus hypocrites dans leurs desseins, plus lâches dans l'exécution de leurs ténébreux projets. Le poison est une arme discrète, qu'elles savent manier en virtuose. Avec quelle perfidie elles versent dans la boisson destinée à un mari gênant, dont elles ont hâte de se débarrasser, la poudre vénéneuse, la drogue subtile, qui précipitera le dénouement qu'elles souhaitent. L'effroi est général. Chacun, au dire d'un contemporain, a l'œil sur son voisin. Et les membres d'une même famille se défient les uns des autres. Le père soupçonne le fils et observe exactement tous ses mouvements. Et la mère se méfie de la fille qui faisait sa joie. Les enfants prennent des précautions contre leurs parents. Le frère ou la sœur n'ose manger ou boire ce qui était apporté par un autre frère ou une autre sœur. Toutes les correspondances de l'époque signalent cet indicible émoi. « On ne parle que de gens pris pour poison », écrit Madame de Scudéry à Bussy-Rabutin. « Cela fait peur à tout le monde. Grâce à Dieu, ajoute l'épistolière, je n'ai jamais acheté de phare, ni fait dire la bonne aventure. » L'art de la divination, la magie, sont plus que jamais en honneur au siècle du plus majestueux des monarques. Devineresses et charlatans se sont multipliés en quelques années, attirant une clientèle nombreuse d'hystériques et de détraqués. Un étranger, de passage à Paris, ne manque pas de consigner sur ses tablettes que les alchimistes sont en aussi grand nombre que les cuisiniers. On en compte, dit-il, jusqu'à 5 à 6 000. Si l'on punit tous ceux qui ont été aux devineresses, écrit le médecin de Condé à son maître, tous les valets et servantes de Paris sont bien en risque. Ils vont toujours trouver ces espèces-là pour découvrir des nippes qu'on leur a prises. Encore se fussent-ils contentés de ne recourir à leurs bons offices que pour les aider à retrouver des objets perdus ou dérobés. Bientôt, c'est un autre genre de service qu'on demandera aux magiciens et aux sorcières. Secrets de beauté, filtres d'amour, talismans pour gagner au jeu et moyen de supprimer un rival, une personne dont on escompte l'héritage et qui tarde trop à mourir au gré de parents impatients. Le besoin d'argent, la jalousie passionnelle, tels sont les deux mobiles principaux de tous les forfaits dont l'essentiel constitue l'affaire des poisons. Ce besoin d'argent se faisait surtout sentir chez les courtisans, chez tous ceux qui avaient à faire figure dans cette cour de Versailles, où chacun cherchait à éclipser son voisin par l'étalage d'un luxe insolent. Les toilettes des femmes, comme celles des hommes, étaient coûteuses. Dentelles, soie, brocart, satin étaient employées à profusion. Chacun cherchait à surpasser l'autre d'élégance et de richesse. En outre, on jouait gros jeu, aussi bien dans l'antichambre royale que dans les tripots. Tel qui n'avait pas une charge bien rémunérée, voyait vite baisser les revenus de ses domaines, ne tardait pas à les aliéner, à s'endetter, à se trouver dans une situation précaire. Un héritage seul pouvait le sauver, et si la succession tardait trop à s'ouvrir, on la provoquait. On peut considérer le procès de la Brinvilliers comme le prologue du drame des poisons. Un nom, respecté jusqu'alors, fut de ce fait déshonoré, souillé. Encore, cette affaire n'eût-elle pas dépassé les proportions d'un sensationnel fait divers si la publicité donnée au débat n'avait initié le public aux mystérieux arcanes de l'empoisonnement, ne lui eût révélé le procédé, pratique et sûr, de la poudre de succession. Les crimes abominables dont Madame de Brinvilliers eut à répondre ont à maintes reprises défrayé la chronique et le roman. Ils sont trop connus pour que nous nous y arrêtions longuement. Il nous suffira de rappeler que la marquise de Brinvilliers empoisonna ou tenta d'empoisonner son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses amants, ses amis, des étrangers voire même des inconnus dont la vie ou la mort lui importait peu. On a essayé de la présenter comme une pervertie sexuelle, une déséquilibrée. On connaît les moindres détails de sa fin, qui fut celle d'une illuminée. Seule, a-t-on prétendu, une martyre, une héroïne ou une hystérique ont, devant le supplice, l'abnégation et le renoncement de Madame de Bramilliers. Est-ce à dire qu'elle n'était pas pleinement responsable de ses actes et que son cas relevait davantage de la médecine mentale que de la justice? Défions-nous de ces paradoxes, qui ont pu trouver créance aux heures troubles, où les consciences sont mal affermies, et sans trop scruter le mobile des actes, considérons-les en eux-mêmes et reconnaissons à la société le droit de se défendre contre ces êtres d'exception, ces monstres qui ont en tout temps déshonoré l'humanité. La Brinvilliers exécutée, on pouvait croire son secret expiré avec elle. Aussi, quelle ne fut pas la stupéfaction générale lorsqu'on apprit, certains jours de l'année 1679, que la police venait de mettre la main sur une bande de faux-monnayeurs et d'alchimistes qui faisaient commerce de poison. Des plaintes nombreuses arrivaient aux magistrats qui ne savaient plus à qui entendre. Les soupçons ne portaient pas seulement sur des aventuriers de bas étage, gibiers de bagne et de potence, mais les délations, pour la plupart anonymes, visaient les plus hauts personnages. Ce fut le mérite de Louis XIV de ne s'arrêter à aucune considération de rang ni de qualité et d'ordonner qu'on fît prompte, bonne et rigoureuse justice. Le mal parut dès l'abord si profond, si effrayant, qu'on sentit la nécessité de créer une procédure spéciale. Ainsi vit le jour cette fameuse chambre ardente, qui reçut son nom de ce qu'elle siégeait dans une chambre tendue de noir, qu'éclairait seule la lueur vacillante des flambeaux et des torches. Cette chambre comprenait 14 membres, dont 8 conseillers d'État et 6 maîtres des requêtes, réputés pour leur intégrité autant que pour leur science juridique. Elle se réunissait dans une des salles de l'arsenal, non loin de la Bastille. Plus de 300 personnes furent déférées à cette juridiction d'exception. Les plus grands noms de France figurent sur la liste des prévenus ou des coupables. C'est la comtesse de Soissons, l'aînée des nièces de Mazarin, celle que Michelet appelle la Noire Mancini, noire au physique comme au moral, et que le jeune Louis XIV avait désirée. Olympe Mancini fut une des premières dénoncées, mais contrairement à l'attitude qu'il prendra dans la suite, le roi voulut la sauver en favorisant sa fuite, tout en ordonnant son procès. Du reste, Louis XIV ne tarda pas à éprouver quelques remords de sa conduite. « Madame, dit-il à la princesse de Carignan, belle-mère de la Mancini, j'ai bien voulu que Madame la Comtesse fût sauvée. Peut-être en rendrai-je compte un jour à Dieu et à mes peuples. » Pendant que Madame de Soissons errait en fugitive parmi les villes de Flandre, poursuivie par les imprécations et les clameurs des femmes qui menaçaient de la déchirer, sa sœur, Marie-Anne Mancini, qui était devenue duchesse de Bouillon par son union avec le seigneur de ce nom, comparaissait devant la chambre ardente pour répondre d'une tentative d'empoisonnement sur son mari, afin d'épouser le duc de Vendôme. Elle fut acquittée, faute de preuves suffisantes, et surtout parce que le duc de Bouillon eut la générosité de venir témoigner en sa faveur. Que d'autres étaient venus demander aux sorcières du poison pour faire disparaître qui un époux, qui une rivale? C'est tout l'armorial de France qu'il faudrait dénombrer. La vicomtesse de Polignac, qui aspirait au veuvage pour gagner l'amour du roi et détrôner la Vallière. Madame de Poulalion, qui eut tant de peine à tuer son mari et dut recourir à maint stratagème pour parvenir à ses fins. Madame de Lyonne, Madame de Dreux, qui après s'être débarrassée de 2 hommes par le poison, cherchait à supprimer la duchesse de Richelieu pour épouser le duc. Chez la voisin, chez la vigoureux, on vit encore défiler, à côté des plus grandes dames de la cour, des princes du sang, et jusqu'à un maréchal et pair de France, le duc de Luxembourg. Les mœurs du noble duc étaient loin d'être irréprochables. En un temps et dans un milieu où on se montrait cependant peu sévère sur les débordements des grands, on parlait sans indulgence des amours vénales de ce guerrier illustre, qui, malgré un physique des plus disgracieux, une pose proéminente et un corps contrefait, se vantait néanmoins de maintes bonnes fortunes. Ses amours de rencontre durent l'engager dans des sociétés suspectes, De plus, son esprit d'aventure le poussait vers les sciences occultes, dont on était d'ailleurs très curieux à cette époque. Luxembourg entretenait à ses frais une espèce de bouffon, astrologue et tireur d'horoscope, pour tout dire un aventurier, à qui il laissait jouer dans sa maison un rôle d'importance. Le vicomte Montemayor, qui en réalité était fils d'un simple apothicaire de Lyon et se nommait prosaïquement François Bouchard, avait fait plusieurs métiers, mené une existence nomade et agitée. Dans l'entourage du maréchal, on voyait encore des tireurs de cartes, des trafiquants de maléfices qui se livraient devant lui à des évocations ou à des conjurations magiques. Dans ces scènes et parodies sacrilèges, se distingua surtout un nommé Le Sage, que la voisin employait souvent et qui opérait revêtu d'une longue jupe noire, recouverte d'une chemise blanche. Puis il se ceignait d'une ceinture de la même manière que font les prêtres. Ainsi accoutré, il récitait les formules de la messe, une table lui servait d'autel, un gobelet à boire, de calice. Seuls les initiés étaient admis à ces mystères. Il semble établi que le maréchal de Luxembourg fut en relation avec le sage. Quoi qu'il en soit, ce dernier fut arrêté presque en même temps qu'on incarcérait son ami et complice, la voisin. Croyant échapper à une mort ignominieuse, la voisin commença par dénoncer, à tort et à travers, les innocents comme les coupables. Les grands comme les petits, ceux-là surtout, afin d'éteindre l'action de la justice et qui sait peut-être lui assurer la vie sauve. Ce n'était pas mal raisonné. Mais l'heure de l'expiation sonna enfin. Après avoir remis de semaine en semaine le jugement, la voisin fut amenée à la chambre de torture. On lui appliqua la question, puis on l'interrogea pendant 2 jours consécutifs. Après l'avoir laissé discourir tout à son aise, les juges prononcèrent la sentence. La voisin fut condamnée à être brûlée en place de Grève, après avoir été promenée de Vincennes à Paris, vêtue de blanc, une torche dans la main. D'après une relation du temps, elle ne cessa de jurer et de blasphémer jusqu'à son dernier souffle. Madame de Sévigné, qui était allée voir passer la condamnée, narrait, le soir même de l'exécution, ses impressions à sa fille. « Un juge, lui écrivait-elle, à qui mon fils, disait l'autre jour, que c'était une étrange chose de la faire brûler à petit feu, lui dit « Ah, monsieur, il y a certains petits adoucissements à cause de la faiblesse du sexe. »« Et quoi, monsieur, on les étrangle ?»« Non. » Mais on leur jette des bûches sur la tête, et les garçons du bourreau leur arrachent la tête avec des crocs de fer. Et savourez la réflexion dont l'ineffable marquise accompagne ce colloque. Vous voyez bien, ma fille, que cela n'est pas si terrible qu'on le pense. Disons le vrai, cette société du XVIIe siècle présentait des symptômes de décomposition avancée. L'affaire des poisons fut un de ces abcès qu'il fallait ouvrir hardiment en portant le fer rouge dans la plaie, au risque de le voir s'étendre, déchaînant les pires catastrophes. C'était la dramatique affaire des poisons par le docteur Cabanès.